Nouvelle de la campagne de 200 jours en Corée. Le complexe d'acérage Tsuliman a accompli jusqu'au 31 octobre le plan de production d'acier, de laminé en acier et du fer tuté, alors que le ministère de l'Industrie électronique a dépassé à 126% le plan de l'économie nationale d'octobre. Par ailleurs, la mine de la jeunesse de Haesan a reconstitué les secteurs d'extraction, de transport et d'enrichissement des minerais pour augmenter à 1,5 fois la production par rapport au passé.